week-end. J'ai rendez-vous avec Agnès. On est invité en VIP sur la liste à prochaine assommée. J'arrive à l'entrée, sous Bédo et Sky, mon phone a sonné. Et on me demande, c'est une soirée cat style. Et là, je vois une go qui m'appelle et me dit, te bats, c'est toi le rappeur en vogue. Je kiffe trop sur toi, cousine, t'essaye. Mais je te conseille de laisser tomber. Je te reconnais, tu m'as fait le coup l'an passé. Avec des copines, même pas bonnes. Bien trop conne, michetonneuse, grillée dans les clubs. Arrête, tu saoules, je sais pourquoi tu viens me les bars. Me demande pas si je pars et mes potes tapent des bars. Dis-moi. Dis-moi à qui tu parles, de quoi tu parles, pourquoi tu parles. J'ai pas ramené toute la cour pour rentrer accompagné vers moi les solitaires à court. Ça me tient pas à cœur, je préfère prendre un verre au bar au lieu de me saouler de bobard. À qui tu parles, mais va autre part. À peine assise, pas besoin qu'on m'offre à boire. De toute façon, sur votre bouteille, vous êtes déjà assis. Tu me crois si facile que quand je bouge le petit doigt. Tu prends ça pour un appel et même si je te dis non, t'y crois. D'abord, tu serais prêt à grimper tous les mots. Mais ensuite, tu l'air descend pour me traiter tous les noms. Et toi, de quoi tu me parles? Tu m'as dit que tu resterais sous notre toit. Je t'ai vu au fond de la salle avec une autre proie. Dis-moi à qui tu parles, de quoi tu parles, pourquoi tu parles. Occupe-toi ta vie, sous Bédo et sous Sky. Mais dis-moi, dis-moi à qui tu parles, de quoi tu parles. J't'ai pas dit, j'ai revu la même fille, la même team, chassant les mêmes types, on se croit dans le même film. Elle a voulu gratter des verres, maquer les sœurs, mater les frères. Elle veut que je racle le reste, donc je devienne son dessert. Elle veut m'amadouer ou faire la mama love. Tu prends pour Albéry ou Naomi, la gérer de bon cœur. Ça fait deux heures, t'as pas que je te cherche, j'ai failli déserter. Pour tous les gars, c'est saison sèche, comme en crise de puberté. Au lieu de jacter, ils veulent toujours me taxer. Je les ai éjectés, sans tous les culs, les yeux sont axés. Je me souviens de l'autre qui jouait le beau gosse, mais il tient pas le cap. Foncé dans cette soirée bas de gamme, il a fini à 4. Dis-moi à qui tu parles, de quoi tu parles, pourquoi tu parles.